En Corée du Sud, selon une dépêche de Séoul, l'office du porte-parole du Parti pour le recouvrement et le bien-être a lancé le 12 un commentaire titré « Pour parvenir rapidement à un monde du peuple à la succession de l'esprit de mai ». L'auteur rapporte que le vœu ardent des masses populaires engagées dans la résistance de Gwangju contre le coup d'État et le massacre par le voyou militaire Sun Doo-hwan a été d'atteindre rapidement à la démocratie authentique et à la réunification indépendante et invite à lutter jusqu'à la fin avec l'esprit de la résistance de mai pour un monde véritable, populaire et démocratique.